Chapitre 5. Aglevaste, Aglevaste. À travers les dunes, la chanson bretonne est venue jusqu'à lui, tandis que, sombre, l'œil sec, le cœur serré, pris à la gorge comme par des doigts crispés, il regardait autour de lui, reconnaissant les uns après les autres les objets qui l'entouraient. Là-bas, à gauche, le sémaphore de la pointe des Poix, les formidables montagnes rocheuses cerclées d'écume, les tas de Poix, dont il prononçait le nom breton avec une sorte de jouissance rétrospective. Harbert Newpez. Derrière lui, le sémaphore de Penhat. À droite, le phare du Toulinguet. Et il cherchait, devant, à l'horizon, la ligne blanche trahissant les pierres noires où, sans doute, achevait de disparaître, à chaque nouveau choc, la dernière parcelle du bâtiment qu'il avait amené. De nouveau, ses poings se tendaient, menaçants, et sa voix grondait. « Elle m'a tout pris, tout !» Comme s'il eût perdu dans ce naufrage quelque fortune rapportée des pays lointains. Doucement, un murmure montait, derrière le capricieux vallonnement des dunes, comme venant de la plage, avec le grand bruit effrayant du choc des lames dans les cavernes de granit et le bruit des vagues sur le sable fin. Il écouta attentivement, croyant se tromper, puis distingua des syllabes que tout son être sembla boire ainsi qu'une chose exquise. La voix inconnue chantait, arrivant aux dernières phrases de la fameuse légende. « J'ai vu la blanche fille de la mer, je l'ai même entendue chanter. » De ses lèvres, presque malgré lui, glissèrent les paroles finales. Ses chants étaient plaintifs comme les flots. « Glenvanus tonhakanawen. » Et il songea, dominant une émotion étrange. La chanson de la ville 10, celle que je chantais toujours à Yvonne, se pourrait-il ? Non, je suis fou, elle était trop jeune, une enfant. Mais tout à coup, cet appel perçant le brouhaha des flots et des vents, « Jean-Marie Hervé !» Tout de suite, il la reconnut. Il a deviné que ce devait être elle, la petite autrefois portée dans ses bras, la blonde mignonne dont il était l'esclave, le préféré, le jouet favori, et qui avait eu si gros chagrin au cœur, si lourdes larmes aux yeux quand il était parti. Que fait-elle là, seule sur cette plage déserte que balaie la tempête? La pieuse superstition du pays lui revient. Il croit comprendre, il devine. Lorsque tous sont désespérés, lorsque les autres sont morts, là d'attendre, elle seule a conservé la foi. Quelque mystérieuse influence traversant les mondes a gravé dans son cœur l'inébranlable espoir. Alors, courant à travers les épineux chardons bleus, broyant sous ses pieds pressés les liserons, les grêles touffes d'herbe des sables, il avait marché devant lui tout droit, et apercevant, bien que le jour tombât, cette forme de jeune fille, il avait répondu d'instinct, devinant qui elle était. « C'est moi, me voilà !» Il l'avait prise par les deux mains, essayant de retrouver dans ce visage de jeune fille les traits délicats, inoubliés de l'enfant, et peu à peu, tandis que des larmes emplissaient enfin la cavité de ses yeux, adoucissant la dureté de son regard, il faisait « Oui, oui, c'est elle, c'est mon Yvonne, ma chère petite sœur adorée !» Il répétait ce nom, comme si ses lèvres eussent voulu savourer un fruit délicieux, s'accoutumer de nouveau à une saveur autrefois goûtée. « Yvonne, Yvonne, Yvonne Guivarc !» La jeune fille approuvait silencieusement d'une inclinaison de la tête, regardant celui qui l'examinait ainsi et ne ressentant aucune frayeur de l'apparition si brusque de cet inconnu. « Que te voilà devenue grande, ma chérie, que tu es jolie. Alors, tu n'as pas oublié, toi? Tu t'es souvenu toujours du pauvre exilé, du petit frère que tu aimais et qui t'aimait tant? L'absence, les longues années sans nouvelles de lui, rien n'a pu effacer de ton cœur ton petit Jean-Marie Hervé, n'est-ce pas, Yvonne ?» Un sourire jouait sur les traits de la jeune fille, tandis que ses yeux fixes semblaient pénétrer dans les prunelles bleues de celui qui lui parlait et y cherchait très loin quelques visions chères. La chanson, comme une abeille ivre de parfum, avait cessé de bourdonner sur sa bouche. Elle écoutait, remuée au plus profond de l'âme, toute la physionomie immobilisée dans une attention joyeuse. « Tu ne me réponds pas, mignonne? Tu m'as pourtant reconnue, tu m'appelais tout à l'heure. Tu vois, je suis venue. » Il y a si longtemps, si longtemps. Sa main se portait pesante à son front comme pour en chasser des choses douloureuses. Mais il dompta son émotion, affermit sa voix. « J'ai si souvent pensé à toi. Oui, j'ai été coupable, oublieux, mais j'ai été si puni. J'ai tant souffert, si tu savais. Non, non, je ne puis pas te raconter. À quoi bon revenir sur ce qui s'est passé? À quoi bon remuer les boues malsaines qui m'ont pris, perdu dans ces pays de sauvages, dans ces régions de malheur? À toi surtout, je ne peux pas dire. » Une honte pesait sur ses yeux qui se baissèrent, sur ses épaules qui plièrent, mais une énergie nouvelle le redressa. Il releva la tête, semblant défier le sort, et continua. « On m'a cru mort, tout le monde. Oh, cette Proserpine, ça a été épouvantable. Pas un homme n'a pu s'en tirer, pas un de ces rudes et durs matelots qui riaient de moi et me battaient. Seul le mousse, le faible, a été épargné par les vagues, par les requins, et a été jeté sur la côte. Puis des aventures sans nom, des souffrances, des entraînements. » Il se tut encore pour reprendre, mâchant les mots. « J'étais si jeune. Les mauvais exemples, l'or, la misère, les compagnons de tous les pays. Oui, c'est tout cela qui m'a enveloppé, étourdi. Un gouffre plus profond, plus terrible encore que celui où a disparu la Proserpine. Alors, à quoi bon démentir ma mort? Écrire? Me souvenir que quelque chose me rattachait encore à la France? Non, plutôt me tuer pour de bon cette fois. Et des ambitions aussi. La pensée de revenir très riche pour toi, pour les vieux. Les vieux, ils dorment au cimetière. Ils ne sont même pas devenus les vieux. Et cela vaut mieux puisque... » Son regard sombre chercha encore les pierres noires. « Au cimetière, il y a une croix blanche, toute blanche. C'est celle de Jean-Marie Hervé, mon petit frère. Il a péri en mer, alors je l'attends, n'est-ce pas ?» Interrompu ainsi, l'autre s'était arrêté, comme arraché à d'écrasantes pensées, et ses yeux examinèrent avec inquiétude la jeune fille. Il fit étonné. « Hein ? Que dis-tu donc ?» Elle poursuivit. « Tu ne l'as pas connu, mon petit Hervé ? Il était si doux, si joli, si bon. Tous les jours, je porte des fleurs au cimetière, mais je sais bien qu'il n'y est pas, va. Il est sur la Proserpine, un beau bateau. C'est lui qui me rapportera des cadeaux, des robes, des bijoux, tu verras. Mais voilà, tu ne sais pas, c'est la mère qui le garde, et il doit revenir à Penhat pour retrouver sa petite Yvonne. » Ah ça, que signifie ? Voyons, tu ne m'as donc pas reconnu ? Tu me dis des choses que je ne comprends pas. Yvonne, mais c'est moi, ton Jean-Marie Hervé. Je t'ai effrayé, peut-être. Écoute, rassure-toi, c'est toute une histoire. Je ne suis pas mort dans le naufrage de cette Proserpine. J'ai été sauvé, recueilli par les indigènes, prisonnier même chez eux. Puis j'ai pu gagner les villes. J'ai couru le monde et me voilà, je reviens, un vrai miracle. J'étais sur ce bâtiment qui vient de périr dans l'Iroise et j'ai été encore sauvé, mais cette fois par le canot de sauvetage de Camaret. Personne, entends-tu? Personne ne sait que c'est moi, toi seule, ma chérie, et je suis si heureux que ce soit toi la première. Avoue-le, je t'ai fait peur avec ma grosse voix, ma grande barbe. Je suis un homme maintenant, comme tu es une jeune fille. Nous allons si bien vivre ensemble. Es-tu remise? Réponds, tu m'effraies. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi me regarder ainsi? Hervé avait reculé d'un pas. À présent, sa sœur lui paraissait toute changée, avec son perpétuel sourire dans sa figure calme, ses grands yeux impitoyablement fixes, qui semblaient ne pas le voir, mais regarder au-delà, avec une insistance qui le troublait. Elle poussa une sorte de hurlement. « Oh ! Oh, mon petit frère ! Jean-Marie Hervé ! Oh !» Le naufragé porta les deux mains à sa figure, le cœur sautant dans la poitrine, oppressé par une horrible angoisse, et murmura « Est-ce que... Oh, mon Dieu ! Ses yeux luisants, cette insensibilité ! Elle ne m'entend pas ! Elle ne me voit pas ! » Yvonne posa ses doigts sur la rude main. « Chut ! Ne dis rien ! Une nuit, il est venu me voir. Il était vêtu comme sur son portrait, avec le grand col bleu, tu sais, un joli, si joli petit mousse. J'ai bien compris que c'était lui, va. Il m'a parlé doux, d'une voix d'oiseau, puis il est parti en faisant un geste de la main. Au revoir, au revoir. Tu vois, c'est qu'il reviendra. Qu'il était drôle et gai, gai. C'est à mourir de rire. » Un rire a donné le frisson. un rire qui fit perler des gouttes de sueur à la racine des cheveux d'Hervé. Il s'écria épouvanté. « Elle est folle !» Autour, la nuit tombait. C'était comme une succession ininterrompue de voiles de deuil s'épaississant toujours, venant du large s'ajouter les uns aux autres pour ensevelir sous les mêmes ténèbres l'océan et la terre. Les bruits de la vague, bien qu'un peu apaisés, restaient rauques, et un râle sinistre traînait le long de la grève. Devant eux, la masse chaotique de la mer. Sur eux, la solitude impressionnante des dunes, où les trous pleins d'ombre s'enfonçaient en immenses cavernes. Derrière eux, le mystère opaque de la lande. Bien qu'endurci par ses nombreux voyages, par toutes les aventures qu'il avait eues, par les innombrables périls courus, Jean-Marie Hervé sentit malgré lui une secrète terreur l'envahir, grimper le long de ses jambes avec une sournoise lenteur, comme si elle fût sortie de cette terre prédestinée, venir hérisser son épiderme et lui entrer violemment au fond du cœur, au fond du cerveau. Pour un moment, il redevint le véritable Breton, superstitieux, tremblant, toujours si brave devant un danger visible, courant en héros à la mort, mais ayant la crainte innée des êtres surnaturels qui peuplent pour lui la lande, le marais, la dune, les bords de la mer, les ravins, l'obscurité. Le rire de la folle sonnait plus âpre près de lui, et il avait instinctivement fait plusieurs pas en arrière, quand, sur la hauteur, vers le sémaphore, des feux brillèrent. « Des feux follets ! Regarde, ils vont danser sur la bruyère ! Moi, je les connais !» Yvonne semblait ravie. Son compagnon secoua la terreur absurde qui l'accablait, et ricana, se moquant de lui-même. « Ce sont des falots !» En effet, un groupe se dessinait sur la route à présent éclairée. Pierre Guivarc, tonton Corentin, Maradour, atteignaient le commencement des dunes. De loin, ils aperçurent la jeune fille. « La voilà !» fit le maître de port. Maradour ajouta « Elle n'est pas seule ! Que diable ! Celui-là ?» Une seconde, l'inconnu sembla hésiter, puis, venant présenter son visage au falot de Garrec, « Celui-là, c'est moi, celui qui revient de l'autre monde. »« Hein ? Le naufragé ?» fit Corentin. « Personne ne m'a donc reconnu ?» demanda l'homme qui ajouta aussitôt. « Je suis Jean-Marie Hervé Guivarc, le petit mousse de la Proserpine. »